Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit le Watibé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Watibé, c'est maintenant sur Skyrock. Et on est reparti pour une nouvelle semaine, soyez les bienvenus. Bonsoir, comment ça va l'équipe du Watibé, messieurs? On va commencer par quand même, je suis désolé, hein, le respect de l'âge des aînés, exactement. Monsieur Dry, comment va? La meilleure, Fred. Ça va en pleine forme? Ouais, ça va, au calme. Ça va bien. Comme un lundi, qui redémarre tout tranquillement. Voilà. On fait le petit tour de table donc avec cette équipe du label Watibé. Les Chines, c'est Kai, ils sont là. Yeah. Ça va ou quoi, Fred? Ma jolie. Makele, ma jolie. Ce soir, il va se passer plein de petites dingueries là. C'est vrai. Ce soir, on s'ambiance. On va en parler dans un instant. Juste avant, on peut saluer aussi Dr Berriz. Oui, c'est un peu ça parce que c'est un peu dérapage. Vous voyez peut-être si vous avez les images, Docteur Belliz. Comment ça va, Fred? Accompagné de béquilles. Ouais, parce que c'est quoi, un petit accident vite fait, tu vois. T'as fait du sport normal. Rien de grave. Le là, docteur en béquille. L'album est fini, tout va bien, on est et là. Ben, on va pouvoir aussi en parler ce soir entre 20 et 21 dans Planet Rap. On a un petit medley aussi dans la semaine. On aura aussi un petit medley avec toute l'équipe du Watibé. Des extraits donc inédits ce soir. Exactement. Des extraits qu'on a pu découvrir, je crois que c'était il y a deux semaines dans le Planet Rap. Dans le Planet Rap de Black M. De Black M, exactement. C'était le titre majeur. Vous n'aviez pas été très généreux. Non. On n'avait pas eu le droit à l'intégralité du morceau. On avait été radin. Mais au final, là, je pense que ça valait le coup. Le morceau est arrivé, ça y est, il est dispo aujourd'hui. Dans 4 minutes. Dans 4 minutes, il sera disponible. Dans 4 minutes, le clip est dispo, mais le son est déjà disponible sur iTunes. On peut aller le télécharger dès maintenant, right now. Si vous voulez l'exclu, si vous voulez pas attendre 4 minutes. 1,29€. 1,29€. Dis-moi même pas que t'as pas 1,29€. Let's go. Dry. Ouais. T'as 1,29€. Ouais, ok. Nous, on l'a déjà, nous, ça va. Ouais, bah c'est bien. En tout cas, à partir de 20h, le clip est là, on débute avec le morceau. C'est parti. Exactement. On salue DJ Cream qui est là aussi avec nous. DJ Cream. Et 21, c'est parti pour Ma Jolie. Les Shinsekai. On ne le coupe pas le morceau. Non, t'inquiète pas, on va l'allonger. On va l'allonger. Allez, c'est parti quand vous voulez. Très très lourd. Cream. Allô. Oui, Cream, es-tu parmi nous? Ma Jolie. On y va? Ah oui, Krim, il était posé. Non, tranquille. Merde. On y va, coup d'envoi. Makele. Il est enfin là, le hit de l'été. Hey, hey. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Oui. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ah, enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, Makele. Celui dont tu n'es pas fier, Makele. Tu sors dans le dos de tes frères, Makele. T'excelles dans savoir-faire, Makele. Je vais pas me jeter sur toi, j'aimerais te voir le matin, Makele. Une femme ou œuvre d'art, ton visage est repeint, Makele. Pas d'histoire, on sait tous d'où tu viens, Makele. T'as eu tous mes gavards, ta beauté n'est qu'une fin, Makele. Fontaine sur le col, rouge à lèvres sur la joue, on sait que t'es basé par là. La lumière éteint ta beauté, voit le jour pour le reste du temps, bon débarras. Chez toi t'es une sainte, mais en bois tu nous roules, ma soeur tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça t'arrives à charmer ceux qui nous disent de voir. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, ma jolie. Dédicace à mon gars Gibson, on est ensemble. Ma jolie, ah. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Free Gibson. Montre-nous ton vrai visage, Makele. Celui dont tu n'es pas fier, Makele. Tu sors dans le dos de tes frères, Makele. T'excelles dans savoir-faire, Makele. Dans le club mendiant, du champagne aux gens. Clochard ne fait pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non. Dis-moi qu'es-tu prêt à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes fils d'échelle sont faits par intérêt. Tu crées un peu de l'écran. Non, mon gars, bah, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Makele, j'ai dit Makele, un. Non, mon gars, bah, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. De Chine, c'est ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Oui. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ah. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Montre-nous ton vrai visage, ma quelle est. N'aie pas fier, ma quelle est. Tous tes frères, ma quelle est. Savoir faire, ma quelle est. Ma quelle est les ordres ce soir. Yeah. Pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi. Yeah. Je vois les hommes taper un sprint. N'essaie pas te renier. Yeah, yeah. Accepte le visage que maman t'a donné. Moi, pas la vérité. Yeah, yeah. Il y a que ton miroir qui te reconnaît. Mesquine. Ton visage est aussi beau que celui de Mr. B. Hey, ma quelle est. Un, deux, trois. Et toi là-bas dans ta cuisine. Hey, ma quelle est. Et toi là-bas dans ta chambre, je ne t'entends pas. Hey, ma quelle est. Papa, maman, tout le monde, ça fait ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Hey, ma jolie. Katsuki Gang, les choses se passent. À l'instant, le morceau des Shinsekai qui est donc dispo depuis aujourd'hui. Et ouais. Et je tiens à dire quand même que le clip est dispo depuis ce matin, vu les nombreux messages que j'ai reçus. Ouais, une erreur de Vevo, on dirait. On sait pas bien accordé. C'est les Américains, ça. Non, mais pour le lancement, vous avez fait genre, ouais, à 20h, il est dispo. Bon, il est déjà dispo depuis ce matin. Merci à tous, en tout cas, qui l'ont déjà maté. Moi, j'attendais pour regarder. Pour ceux qui ne le savaient pas, parce que c'est pas tout le monde qui savait. D'après, tu savais pas. On a déjà. Il est 20h, tout le monde peut foncer maintenant. Tout le monde peut foncer là. Là, c'est officiellement là. Depuis. M'a dit, il est lourd. Depuis une minute maintenant, vous pouvez aller. Et bah, et dites-nous un petit peu ce que vous pensez avec le hashtag Watibé sur Skyrock. C'est toute l'équipe du Watibé qui va passer cette semaine entre 20 et 21. Un petit mot donc sur ce morceau Majoli, c'est un extrait d'Indéfini. Exactement. Ouais. Donc l'album des Shinsekai. Ouais, voilà. Et qui arrive. Ouais, qui arrive très bientôt. On ne peut pas donner de date encore. C'est vrai qu'on se fait attendre un peu pour la date, mais c'est parce qu'on travaille beaucoup dessus. On est vraiment à fond sur le projet. Et on veut pas se précipiter, lancer une date au hasard juste pour sortir. C'est-à-dire que quand on va sortir, c'est vraiment pour t'en mettre une, tu vois. C'est pas pour faire semblant, tu vois. Donc là, on recule pour mieux sauter. Okay. Avant la fin de l'année, quand même. Donc. Avant la fin de l'année. Ça sera en 2015, ça c'est sûr, c'est en 2015, ça c'est clair et net. Vous inquiétez pas, c'est en 2015. Shinsekai, allez-y, réaction sur ce morceau qui s'appelle donc Majoli. Majoli, le deuxième. Makele. Makele pour les intimes. Qu'on peut traduire comment Makele. Qu'on peut traduire comment Makele. Makele, Majoli, tout simplement. C'est Majoli, ouais. Majoli, c'est ma trop jolie d'ailleurs. C'est ma mais trop c'est jolie. Mais c'est le son, c'est vraiment du second degré, on tient à dire ça. C'est un délire qu'on a eu, tu vois. C'est Makele, c'est un peu le diminutif de Makelele. Makelele, c'est en lingala, ça veut dire boucan. Tu vois, il y a le joueur bruit, ouais. Ça veut dire bruit. Et les meufs Makelele, en fait, c'est les meufs qui en font trop, qui abusent et tout ça, tu vois. Et donc on a eu un petit délire. Donc, la contraction de Makelele, c'est Makele. Voilà. Et donc on en a fait un son, un bon petit délire, tu vois le délire. Et c'est à prendre au second degré, bien sûr. Et donc voilà, que tout le monde s'enjaille, que tout le monde saute dessus. On est là pour ça, pour faire pour l'été, les gens cet été. C'est un des sons. Dry, qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Je crois que nous avons perdu le numéro 1. C'est quoi c'est ce petit détour en Afrique quand on parle de Makelele, de Makele qui t'a fait craquer à un moment? Pourtant lui-même il est congolais, il comprend très bien ce que Makele veut dire. Ça t'est rappelé quelque chose, un truc en particulier? Non, mais des fois j'ai des fous rires, tout ça. Mais c'est bien en même temps, vaut mieux avoir ça. Je suis un peu fou, moi. Vaut mieux avoir ça que plutôt de faire la gueule, Dry. Ah ouais, on a fait un gros classement en plus, c'est lui, c'est celui qui a jamais sérieux. Il a bien expliqué. On était précis hein, sur la description en tout cas. Voilà, là il y a toutes les précisions là. Allez-y, 41-759 pour vos messages. Le hashtag Watibé sur Skyrock. On écoutera un morceau dans un instant. On peut même d'ailleurs peut-être le mettre aussi. Puisque ça aussi, on l'avait balancé pendant le Planet Rap de Black M. Exactement. Le Fa est de retour. De retour, je sais pas. En tout cas, il faut rester branché. Ouais, il faut juste rester branché. Ouais, faut juste rester branché. Quand ça parle de Le Fa, il faut rester branché en fait. Voilà, faut juste rester branché. Donc, là, franchement, ça fait plaisir. Dry. Yeah. Ah non, moi j'étais content. Je n'avais pas écouté. J'ai découvert en même temps que tout le monde, mais franchement, une belle intro. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça une intro en réalité? Oui, non, c'est comme ça que c'est appelé en tout cas. Voilà, on va appeler ça comme ça. Mais l'intro, ça s'appelle l'intro. Franchement, le gars a kické, le gars nous manquait. Ça fait plaisir de l'entendre en tout cas. Restez branchés. Monsieur Docteur Belize, un petit mot aussi, comme tu es là aussi avec nous, et tout à l'heure on vous retrouvera en live avec Dry. Sur le fat, t'as écouté ce morceau qui s'appelle donc Intro? Ouais, j'ai écouté l'intro.

et pourquoi? Exclu. Enfin, c'est quoi? C'est ta date de naissance? J'expliquerai ça plus tard. Franchement, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de malice, il n'y a que de la frappe qui est tarte. Donc 1974, le nom de l'album, du projet. Ouais. Qui arrivera. Qui va arriver. On discute dans les couloirs. Dans les meilleurs délais. Ouais, dans les meilleurs délais. Et donc là, cette semaine, on aura un morceau qui arrivera aussi en exclu durant cette semaine, Watibé. Hein? On aura un morceau en exclu. Ouais, à force. À force à découvrir. Ouais. J'avais envie de donner un deuxième titre, comme tu sais, je suis généreux, moi, en fait. Tu connais. Côté son, je suis généreux. Mais bon, on m'a dit d'aller doucement. D'aller doucement, de pas. Mais pas donner, qui t'a dit d'aller doucement? Ah, ça discute dans les couloirs, on parle entre nous, tu connais, tu vois. Non, mais Ben, mais bon, si tu le laisses, il va Je vais faire un effort, je vais garder le deuxième son, je vais le donner en temps voulu. D'accord, donc au moins un son cette semaine. Ouais. Morceau qui s'appelle La Force. Exactement. Très bien, ce sera dans un instant, c'est le retour. Ne bougez pas, Watibé sur Skyrock et la roulette qui va tourner, ainsi que le freestyle par téléphone. Inscrivez-vous 41759. Là, on écoute le son de The Weeknd, I Can Feel My Face maintenant. Hurry, hurry. L'émission rap de référence. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, Planet Rap Watibé. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit le Watibé pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Watibé toute la semaine, Watibé sur Skyrock et nous sommes déjà en TT, donc bravo à tous les Watis supporters et supportrices. On est ensemble. On a fini le OA, c'est bon. OA. Le hashtag, donc je le disais, Watibé sur Skyrock. Il est temps aussi à 20h20 de rappeler un petit peu ce qu'on a pu apprendre depuis le début de l'émission. Arrivera du. Excuse-moi, ce qu'il y a, Dry. Il est juste joyeux, c'est tout. Et bah, c'est bien, ça fait plaisir de l'entendre en plus. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Donc est arrivé aujourd'hui le clip du morceau Majoli. Exactement, le clip. Les Shinsekai, ça y est, dispo. Ça fait 20 minutes que c'est disponible. Ça fait un peu plus. Ou 20h. Ça fait un peu plus longtemps pour certaines personnes, mais il est officiellement sorti. Le clip Majoli, deuxième extrait de l'album de Shinsekai Indéfini qui arrivera très bientôt. Et le morceau aussi. Le morceau, voilà. Par exemple, si on aime le morceau, on le remettra tout à l'heure, mais si on a aimé, on peut aller le chercher. Sur iTunes. Sur iTunes. Combien le prix? 1,29€. Un truc comme ça, ouais. C'est même pas 1,30€. C'est juste 1,29€. C'est très important, ça. 1,29€. Ah, il y a une diff. Ah, bah, c'est un centime. Bien sûr. C'est toujours ça de prix. Ouais. Donc ça, le morceau Majoli, ça y est, c'est fait. Voilà. C'est fait. Les gens, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois que les gens le kiffent de ouf. Tu vois, ça fait vraiment plaisir. Tu vois. Petite même réaction, déjà. Tal. Petite réaction, deux trois petites réactions que tu veux lire. Enfin, ouais. N'hésite pas. Attends. Tiens, moi, j'en profite pour saluer Zimzou d'Aubert aussi. Qui a les gouttes. Dédicace à Zimzou. Alors, je t'ai dit. Ouais, putain, Majoli, trop lourd le son. Dadjou et Aboutalois sont au-dessus de tout le monde. Waouh. On lave un peu tout ton maquillage. Bon, voilà quoi, les gens qui Donc, continue à balancer des messages si vous voulez mater le clip pendant la pub, par exemple, avec le hashtag Watibé sur Skyrock. Donc, aussi, ça, c'est fait pour les Shinsekai. Et aussi, continuer d'envoyer des vidéos parce qu'on a lancé un petit concept. D'ailleurs, le concept, tu l'as pas fait. Ah ouais, tu vas le faire tout à l'heure. Tu vas le faire tout à l'heure. Toi et moi, on est dans les derniers. On doit être obligé de le faire. Aussi, il l'a pas fait. Avec Dry. C'est vrai que. Non. Chacun va faire la sienne. On a lancé un petit concept. Ça fait une semaine depuis qu'on avait balancé l'extrait la dernière fois. Les gens reprennent la vidéo, chacun sort son concept. On a vu, toutes sortes de choses, des bonnes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. C'est l'expression. Hein, c'est... Ouais. Je suis désolé d'être sûr. Tu sais que normalement, tu peux pas me reprendre comme ça devant toi. Pardon. Non, ok, tu as raison, c'est une nouvelle. Donc des vertes et des pas mûres, et. Et tu m'as déconcentré. Et vas-y, reprends donc, ouais, sur ce petit jeu concours. Voilà, donc tout le monde a participé. On a vu un grand nombre de personnes participer. Il y a encore des gens qui nous envoient des vidéos. On n'a pas pu tout reposter. On va essayer de reposter un maximum. Regarde, donc, Jassim qui se plaint, t'as pas mis ma vidéo d'Adjo. T'as ouais, vu bon, sur regarde, Instagram, t'es chiant. On va essayer. Qui c'est Jasmine. Ok, Jasmine, on va essayer de retenir ça. Jassim. Ouais. Jassim, on va essayer de retenir alors, ça. C'est quoi le concept de cette vidéo? En fait, pendant le refrain, il suffit juste de prendre son téléphone, mettre le son, et chacun trouve un concept. Il y en a qui arrivent à se démaquiller, il y en a qui se maquillent justement, il y en a qui jouent avec des chats, j'ai vu qu'il y en a qui abusaient avec les animaux. Il y en a qui dansent tout ça. Ne faites pas de mal aux animaux, s'il vous plaît. En fait, le but, c'est juste de s'ambiancer sur le refrain et de nous envoyer la vidéo, et on va partager toute cette bonne humeur. C'est bière, quoi. Faut bière. Voilà. Bah, très bien. Bière, un voilà. Et ça, on le fera avec Dry. Enfin, Dry le fera, je le ferai aussi. On le fera tous. Ouais, ouais. Et on vous envoie ça où alors? Et tu envoies ça sur le Facebook de Shinsekai, ou sur l'Instagram de Aboutaloua, ou sur le mien, le Dadj. Le Dadge. Tout simplement. Voilà, allez faire donc cette petite vidéo, vous envoyez, et puis on fera un petit point dans la semaine aussi sur Ma Jolie et toutes les vidéos que vous avez pu envoyer. Yeah. On a appris aussi il y a quelques minutes que Dr Berriz nous balance un titre inédit. Exactement. Ouais. Ça, cette semaine. Entre parenthèses, je voudrais juste passer un petit coucou à Mourad et à toute sa famille de Montpellier. Un petit coucou à vous, parce qu'ils m'ont soutenu pendant ces trois derniers jours. Et ben, un petit coucou. Voilà. Idriss. Un gros bisou de la part d'Idriss. On est ensemble. Et le morceau s'appelle La Force. Le clip arrivera aussi dans la foulée. Ouais. On en reparlera cette semaine entre 20 et 21. C'est vers Dry que je me tourne maintenant. Parce que Dry, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Un titre inédit? un clip inédit? Une vidéo? Ou alors non? Juste non, un moment de détente? Peut-être un petit truc inédit et la vidéo de Makélé. Sinon, nous on prépare. Là, il y a encore d'autres surprises. Il n'y a pas que les deux morceaux que tu vas écouter aujourd'hui, ou qu'on écoutera, dont on a parlé plutôt. Mais bon, moi, je travaille, je bosse beaucoup. Mais bon, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de se lancer. La mira. La promo. Et ben, on en reparlera cette semaine dans un instant. Il y a le freestyle par téléphone. Et tiens, on Phoenix. Écoute. Maître Gims, c'est ce que tu m'aimes. Si ça arrive, Maître Gims. Est-ce que tu me love? C'est parti. Nouvel album avant la fin de l'année. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir. Hey, Pépé. J'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux. On est ensemble. Est-ce que je t'aime? J'ai 900 à 700. Pépé Kou. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux. Tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Aboutal, c'est comment, si mon beau-fils? Est-ce que tu m'aimes? On est là, beau-père. Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir. Sommeil éternel. Parakadama. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Yes, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la veille. J'ai cligné des yeux. Hey, Bang, l'homme de LA. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Josh, si c'est comment? Let's get it, let's get it. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Esprit noir, c'est déjà sorti, c'est déjà dispo. Je sais pas si je t'aime. Le monde ne suffit pas. Je sais pas si je t'aime. Je fais mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Hey Lil King, libérez l'euro, libérez l'euro. Si je t'aimais à ta manière. Woo! Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu Elisa Baratta de Montpellier. Yeah. Pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? BG. Pas si je t'aime. Oui. Je te sens si tu m'aimes. Et je te l'avance. Yeah. J'ai cligné tes yeux, tu l'étais. Hey, Zenapso. Zenapso, Zenapso. Asatso. Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. 9-3-23-0. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Maître Gims, est-ce que tu m'aimes? L'album arrivera donc là pour la rentrée. Un nouvel album, un double album de Maître Gims. Il nous a annoncé exactement. Pastille bleue, pastille rouge avec. Pilule. Concept bleu. De Matrix. Un grand concept et à découvrir aussi prochainement sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock cette semaine entre 20 et 21. Dans un instant, on attaquera le freestyle, messieurs. Yep. Si vous êtes prêts, Berry's prêt, Dra, il est en train de répéter avec Krim. Très bien. Pas de problème, c'est dans un instant. Et juste avant, je vous présente Yous de Mesh dans le 25. Salut Yous. Salut, ça va l'équipe? Dans le calme, et toi mon gars? Et toi en forme? Ouais, alhamdoulilah, ça va la Wati Family? Ça va. Toute la semaine. Vous êtes tous présents ou quoi? Bah, il y a une présent. Partie. Pratiquement. Ils vont se relayer dans la semaine en tout cas. Ça fait plaisir, vous êtes toujours là pour nous enjailler dans la voiture, partout, nous accompagner partout, ça fait plaisir. Ah, c'est un plaisir, mon gars. Tu as écouté le morceau, ma jolie? Ouais, j'ai écouté, un très bon morceau, de toute façon, il nous a habitués à du lourd. Eh ben très bien Yous, donc si tu veux envoyer ta vidéo, n'hésite pas à en parler il y a quelques minutes. Toi tu viens rapper par téléphone, c'est parti? Ouais c'est parti. Allez, session freestyle par téléphone. Yeah, Y à l'infini, check, présente tout le monde, la France. Yeah, check. J'ai pris mon beat, ce beat a mis que le trophée, je l'aurai. Ça ne m'atteint pas, toute leur critique, j'entends que d'une oreille. Petit, je fais ça pour le kiff, j'écris, je kick, j'impose mon style. Je détruis le beat partout, je suis comme un bulldozer. Je suis en débit illimité, une funk débité, des débilités. Mais qui font qu'imiter mes rimes, je gagne en crédibilité. Mon habilité à rimer, qui font des paris, mais qui perdent rare. Le surdoué vient pas de Paris, car je suis pas de Paris même. Mesdames, messieurs, voici un jeune rappeur qui vient de province, qui parle pas le bovin, qui boit pas de vin, mais qui est presque prince. Non, pas d'arlequin, c'est rare, un rebeu sans requin, infâme, et les crocs d'un requin. Je suis comme qui jeune qui parle bien, tu l'avoueras, je suis dynamique, comparable à ta dynamite. Souvent je le dis, ça quitte la nuit, welcome au paradis de la rime. Oui, ça me fatigue, toute leur manie pris sous la maladie de la weed. Tu te demandes qui t'a trahi, souvent c'est l'ami qui te l'a mis. Dans ma tête, ça tourne pas en oui, des fois même je suis parano. Mais ça c'est que la bande annonce, jamais dépassé par un autre. Finis pas d'être sur le carreau, mais pas ta tête sur le tarot. J'ai plus ce que je veux, je donnerai le tournis à la boussole de Jack Sparrow. Bang bang, nigga, what? You know what I mean? J'écris mieux que ce faux rappeur, même si mon bic n'a pas la mine. Petit, je me balade, oui, comme Messi sous le maillot de l'Argentine. Bon, je le dis juste pour la rime, c'est pas ça. Oublié par ma team. Yeah. Yeah. Ouais. Ah, ça débite là. Il est chaud, Yous. Il est chaud. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Merci, équipe, en tout cas. Bravo à toi, Yous, en tout cas. Ouais, bah, ça fait plaisir. En tout cas, là, vu que j'ai le micro, je vais passer une dédicace à Soufiane, Adèle, Samir, Amin, Hamza, Soufiane, David, Jess, toute l'équipe du Clos. Je représente l'Est de la France, du côté de Besançon, Mèche, Mortou, tout le monde. Il y a le GXO Slim, sa grosse moto. Donc là, franchement, je passe une grosse dédicace, ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi pour les amateurs qui aimeraient aussi m'écouter sur la page Facebook, Yous, donc Y-O-U-S-S apostrophe. Et je passe aussi une grosse dédicace à la famille, mes petites sœurs qui m'écoutent là. Et je remercie la Wati Family aussi, qui continue, Inch'Allah, à nous enjailler. Ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi, Yous. Voilà. Et puis, donc, je le répète, sur Yous, vous pouvez me trouver sur la page Yous, Y-O-U-S-S apostrophe, ou sur YouTube. Allez, que Dieu vous protège, Skyrock, tout le monde. Merci. Ciao, merci à toi, Yous. Merci, mon gars. À très vite. En freestyle à l'instant, et si vous êtes prêts, c'est maintenant votre tour, messieurs. Yep. Beriz, Dry, Shinsekai, yep. DJ Krim ou Platine. On y va, coup d'envoi. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Greg. Welcome to the WAC. Yeah. Docteur Beriz. Beriz. DJ Krim. Yeah. Shinsekai. What? DJ HQ. Bam. Fred de Sky. Écoute ça. Ces buts espèrent nous couper des vivres, mais les hommes survivent. Donc des R dans leur ligne de mire, et le phénix ne fait que revivre. H24, chez nous l'heure du crime. Je dessine plus que je ne rime. Sauf pour mes gars braves de bras à Akin. Et je mets le feu quand les degrés déclinent. Quand je crache mes verres, les bouffons la ferme. Donne des sueurs comme la fièvre. Décapite comme un glaive. Pour avoir le couronne, faut du flow, pas la fève. Moi, ma life, ma remake, du lièvre et de la tortue. épaulé de mes tordus. Maintenant du j'ai mordu, car ici la violence guerre n'est une drogue dure. Moi, tapis dans le noir, t'es l'info à l'affût. Dans mes yeux, que du mauvais des insultes. Un culte, si tu connais pas mon rictus, clic clic passe, même à l'état de fœtus. Pour la tête haute, pour baisser les bras. Peur à pour l'élite, mais des scélérats. Si je bois des litres, c'est que j'ai fait du sale, car la salle, ça du démon, moi je connais que ça. Mes flots te cognent de gauche à droite, de bas en haut, à t'en donner le mal de mer. Pour un gauche, tourner la page, prendre de l'âge, prendre le large de mes sons, tu ne peux te défaire. Du blé, mais jamais à quel fourchon. Amène une frappe, t'es la poupe, nous le fourchon. Drag, j'ai grec, S, mais qu'un pochon. Ramène-nous ton maître, t'es le blé, nous le fauchons. Yeah. Ils rêvent de nos vies. Mais moi, mon cauchemar serait elle. Y'a pas de game, c'est de la survie. Ou le pouvoir de goûter un peu l'irréel. La vie de quartier, en connais-tu le prix? Haine, violence, ton balle sur les pierres. Pas besoin de jouer le voyou dans les peuclis pour valider ton CV mytho du terre-terre, on te fuck. T'es gore, mais comme métaphore. Je crois comme le calot collé sur ton corps. Ouais. Les galons de la rue se gagnent au corps à corps. Fais pas trop le fou, on aura de bons rapports. Ah. On ricane sur vos dossiers. Rime ça, là, t'en fous pas le gosier. Ouh. Si y'a guerre, tu nous pourras donner le gossier. Ah. Et ton corps lui finira dans les rosiers. Y94 gros. Tiens. Jacques Cartier. Yeah. Oh les suds. Welcome to the war. Yeah. Welcome to the war. Suis-je le gardien de mon frère quand ce dernier me slash le lombaire? Ne me donne que de mauvais conseils, ne me parle que pour ce qui le concerne. Bien évidemment, nous avons quelques repères sur lesquels nos amitiés prospèrent. Comme le fait que je donnerai ma vie pour toi, tout comme tu donnerais ma vie pour toi. C'est le minimum social, protéger l'épine dorsale. Pour qui m'as-tu pris de tocard, un rappeur de case? Je vais les éliminer au calme. Laminer l'ennemi comme d'hab, j'élimine les contrats. Ramenez-moi tous les contrats, ramenez-moi le blé qu'on se barre. Si tu n'es pas violent, mais je t'accorde que quand j'écoute ton album, je mange des coups de barre. Je te découpe en deux comme Blade. Découpé, j'en ai une collection complète. Je connais le droit chemin, j'ai toujours fait le contraire. Tu n'auras pas de fille de paniquer ton père. Je n'ai pas tant d'écoute pour tes raisons d'être. Cette année, tes MC favoris vont perdre. Et pour le mot de la fin, va niquer ton père. Ta. Yeah. Welcome to the one. Welcome to the one. Welcome to the one. DJ Cream. Yeah. Welcome to the one. Yeah. Ah. Je sais que tu me regardais, la haine que tu me portes, mon courage, mon entourage et moi verrons le soleil après le temps de l'orage. Si tu te rends compte, la vie est faite de relations malsaines. C'est qu'il faut crise et crée l'amitié, la vérité crée la haine, gava. Quelle qu'en soit la cause, ils te pointeront du doigt. Quelle qu'en soit l'intention, ils verront du mal. Je me passerai tes compliments, t'es si heureux pour moi. Mais je me demande pourquoi l'envie de pleurer si sur ton visage. Ce ne sont pas des larmes de bonheur, fais gaffe à tes sauces. Car la plupart d'entre eux n'attendent qu'une chose, c'est de voir passer ton heure. Quel est ton but quand tu parles sur moi, crache sur moi. Et quelques menaces, et tu n'assumes pas. Tu reviens si c'est comme d'hab, ne t'entête pas. Photo ne complexe pas, c'est pas ta faute si en voyant ta bitch ne veut plus de toi. Quel est son vrai visage, tu l'aimes mais faut que tu saches que derrière chaque amour, la haine se cache en embuscade. Frère, reconnais ce vrai, personne ne sait qui. Inutile d'insister. Tu ne jouis d'aucune street crédibilité. Un pion sur les chiquets. Tous tes couplets sont des banalités. Je veux pas sympathiser. Donc on vit récupérer ton chic. Qu'est-ce que tu veux nous voir kicker? Je suis arrivé la main sur la bite. Comme j'avais leur salope dans ma paume, je lui ai fait un fils. Elle retient mon prénom très vite. Bien vite, impossible de se faire oublier, c'est ça le deal. J'ai perdu des amis d'avant. Le code de la route, j'ai péri, c'est aller de l'avant. Je dors, la main sur le menton, réfléchissant. Je suis mon propre démon, oui, chaque jour je prends 10 ans. Les gens crient, j'en reste meurtri. Fuck ceux qui me check avec leur survie. Ah, mec, hey. Écoute, je me sens comme Jack Nicholson ce soir. Dans mes yeux, tu pourrais lire, je suis prêt pour quoi que ce soit. Cache à la clé. P99 en coéquipier, j'ai de quoi te faire ronfler. Kidnappe ta pute de loin, tu peux entendre sa chatte siffler. Les gros, je les baisse depuis que j'ai l'âge de compter. Je sors d'un quartier, fuck leur chantier. Gosse d'étranger, rien n'a changé, fuck les tranchées. Paris, une petite ville, qui a fait son blast dans le globe. S'arrête mes frères et fouille leur caisse et trouve la drogue dans le coffre. Croque mort, bout et flica. Les darons, j'étais des cailloux, maintenant les fils, les big rap. Au fils de Cisra, le genre de pulcra, une vision trop crade. Allez, je m'arrête là. Ladies, juste une mode. Welcome to the world, nigga. Nigga, nigga. Welcome to the world, hey. Nigga. Nigga, nigga. Welcome to the world, nigga. Yeah. Hey, man. Yeah. Yeah. Hey, tu ne feras jamais Lyon Me. Reste Lyon Me. Tu ne feras jamais Lyon Me. Le son ton full seum et tu sèpes dans le lit. Tu ne feras jamais Lyon Me. Jamais. Dal. Non, non. Reste Lyon Me. Yeah. Tu ne feras jamais Lyon Me. Le son ton full seum et tu sèpes dans le lit. Négro. Il croit qu'il est frais, mais en vrai, nous on sait ce que t'es. Monica Lewinsky. T'as jamais pu blairer mes frères. À part le son, tu sais ce qu'on fait. Chut. Zach. Ses pères, c'est une histoire de couilles. Ma semence vaut plus que toi, plus que ta personne. Enfoiré, les balances ont baisé ma team. Mais jamais on ne plaide coupable. Quand ça monte sur scène, t'observes. Et tous nos faits et jets, top 7. Top 7, 7. Je te l'ai déjà dit, laisse tomber. On connaît déjà la fin du suspense. Suspense, suspense. J'ai déjà vu ce fichier à quelque part. Réputé comme un suceur de vie dans tout mon secteur. Négro, mon flottisseur du secteur. Quoi te dire à part fuck tous ces webstars. Hein, il faut ma Rolex et ma Bench. Je suis un furieux citizen à 3 600 euros. Sois gay. Joue avec l'équipe, on va te chirurger la face et tu suceras avec un dentier. Yeah, you know. Ok. Yeah. Chouf. J'avais une question à poser. Let's go. As-tu déjà vu un négro comme tal? Je ne pense pas. Ah non. Yeah. Tu n'as jamais braqué volé, dit les boys, ne nous ment pas. T'auras pas un spectacle lamentable. Chine, c'est qu'un défini, les tubes, on les entasse. N'hésite pas à parier sur ta vie, les bancables. C'est que l'argent n'a pas d'odeur si tu ne me sens pas. C'est dans la te bois, tu me sens, mais tu ne me vois pas. J'ignore tes appels de phare, je suis inaccessible. Je n'ai pas les love à bouba, je claque du bif à tout. Va, je trouvais du taf comme bon nombre de rappeurs. Ça ne comprend pas de ce que dit. Oh no. Tu parles beaucoup, méga, va visiblement. Tes projets n'avancent pas très vite. Tu n'es pas des states, tu n'es pas des terres, tu n'as pas d'espèce. Tu n'es simplement qu'un espèce de pire. Toujours bitch. Commande. Toujours bitch. Prêt. Ah. Le one célèbre plus les victoires car vous faites tout pour perdre. Père. Tout doux frère. Hein? Vous sous merde. Hein? Que vous êtes, n'espérez jamais nous soumettre. C'est le Watibé. Ah yeah yeah yeah. Sale. Yeah. Oh, commence tranquille gros. T'as un petit truc à l'ancienne. Hein? Déterminé ne me touche pas. Déterminé ne me touche pas. Déterminé ne me touche pas. Le mec toute ma mine est grosse. Bah, pas jamais eu de chance. Toujours une mort. Pas de demande au boss. Mais Eric, te baisse pas. Hey mec. Ok. On va aller tranquille, Tal. Vas-y, déchire-les. Poteau des stress, hein? Je suis un homme de paix. Je vis d'amour et d'eau fraîche, mais surtout de chèques et d'espèces. MC, dis-moi, c'est du qui tu testes. Watibé, nous sommes les best. Et ça, personne ne conteste. Même si ce blé ne sont pas bêtes. Calomnie sur calomnie, j'en fais des cartes, c'est pour carré, t'es cali, à l'attaque, je t'en brûle tes calories, c'est ta pratique, t'as catoqué, en tout cas, y'aura pas de fichu, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas comme des crédits, ça fait son bouquet, je suis scaré dans les bacs, que de la frappe pour les boîtes, comme les gars, Nam style, tu peux les barres, taper des barres, ça ne m'atteint pas, mais ce bâtard n'arrête pas, et dès le matin, pas, que je me donne en balle, que je me fais du mal, que je calme, mais je halte, m'économise. Désolé, pétage, je n'ai pas ton time, par toi, je n'ai pas besoin d'amis, je vais fermer ton bébé, bec, je te montre l'air, astronomie. La famille qui t'a, ça ne parle que de motherfucking ta, là, ce que l'on dit. Et j'en ai toujours rien à foutre, encore pas d'amis, couche, mon balai les couches, je veux qu'elle a tout, salut les ploucs, salam alaikum, le zoom dit, balai les touches, j'ai calé mes couilles, j'ai galéré pour ramener les sous, les balais les couilles, je ne sens plus, je suis blindé d'amour, j'ai pas été faux, pourtant les gens me balaient les couilles, je m'arrive aux genoux, donc quoi qu'à sert de parler beaucoup, je fais du sale, ils sont pas le civilisé que t'as été fou. Big up à Vendetta, mon mec! Yeah, bro! Vendetta! DJ Cream! DJ Cream! DJ Cream! DJ Cream, welcome to avec ma baby dans le calme. Bitch. Ma jolie dispo sur iTunes, sur YouTube. Big up à Dawa, ouais, tu bosses, on est ensemble. Tu l'as senti, non? Yes, sir. Yeah. And your motherfucking face. What you do? J'ai connu la reste, mon nègre. M'en veux pas, j'ai dû faire ce qu'il fallait. Que le phoebe soit propre ou sale, au black fuck, je le prenais. Loin des thugs, mon nègre. Mais pour l'ami, on se déplace sans trop parler. Jamais donné mon fiac de squat en squat, on s'est débrouillé. Yeah. Qui l'avance, pense. Celui qui pense, pense. Stoppez mon flow. Temps d'avance, j'mène la danse. Dance. Tu rapposes, si le coup, par ton putain de pare-balles, pourra pas te blesser. Ne nous compare pas à toutes ces bâtards. J'vais les faire. Félicite-moi si je m'en sors. Frère, reconnais ceux qui s'en sortent. J'ai dû kicker sur tout style de musique et j'entends qu'ils en redemandent encore. Encore. Les types armés ont le passeport. La hiérarchie est un débat. On monte encore d'un niveau et je suis très loin de mon top. Paris, je vais tous les tissants. Tu fais sur Skyrock. Dieu, big up à tous mes gars, va dans l'as du tueur. Du guerre, on est ensemble, enfoiré. Rue Fontaine, c'est KR. L'amiral des regrets. Yeah, yeah. Oh, DJ Cream, yeah. C'était la session live dans l'émission avec ce soir au micro les Shinsekai, Dr Belize et Monsieur Dry. J'ai commencé tranquille. Mais c'était déjà si bien commencé. Je vois les messages, les gens sont contents, ils défoncent le freestyle. Si on envoie tout là. Ouais, mais non, on est que lundi en plus. Non, et puis c'est bon de vous avoir parlé de Vendetta, c'est bon aussi de rappeler que vendredi vous pourrez découvrir un morceau. Carlé ouf. Moi je l'écoute. Le fait, il porte bien son nom. Je crois que c'est le premier extrait de leur album qui devrait arriver incessamment sous peu. Carlé ouf. Donc ce sera vendredi pour le découvrir entre 20h et 21h dans ce Planète Rap. Premier extrait, oui, on attend ça depuis longtemps. Premier extrait officiel vendredi, notez-le bien pour le morceau de la Vendetta avec Girochrome. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un petit message à passer. Vas-y. On peut faire ça à la fin. Hein. Ah bah, alors tu sais quoi, on va remettre ma jolie. on va remettre ma jolie. Juste pour qu'on puisse au moins, voilà, comme ça. Juste pour leur rappeler que le clip est disponible sur YouTube. Il est arrivé. Et sur iTunes. Voilà, les gens kiffent. Continuez à nous envoyer vos vidéos, ça nous fait kiffer. Les on est ensemble, The Shinsekai, ma chérie, et c'est tout de suite. Ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage. Maquelle est, celui dont tu n'es pas fier. Maquelle est, tu sors dans le dos de tes frères. Maquelle est, t'excelles dans savoir-faire. Maquelle est, je vais pas me jeter sur toi, j'aimerais te voir le matin. Maquelle est, une femme ou œuvre d'art, ton visage est le pain. Maquelle est, pas d'histoire, on sait tous d'où tu viens. Maquelle est, t'as eu tous mes gavards, ta beauté n'est qu'une fin. Maquelle est, fantin sur le corps, rouge à lèvres sur la joue, on sait que t'es passé par là. La lumière éteinte, ta beauté voit le jour, pour le reste du temps bon débat. Chez toi t'es une sainte, mais en bois tu nous loules, ma soeur tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça t'arrives à charmer ceux qui refusent de voir. Ma jolie, Fred, on est reparti, featuring. Ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Ouais. Enlève un peu de. Ok, Fred. Montre-nous ton vrai visage. Maquelle. 1, 2, 3. Maquelle. 1, 2, 3. Maquelle. 1, 2, 3. Maquelle. Du champagne aux gens. Clochard ne fait pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non. Dis-moi qu'est-ce que tu prêtes à faire pour l'oser. Tu nous fais ta princesse en effet. Tu ne manques pas de cran. Macadama. On fait par intérêt. Tu crèverais des cœurs pour crever l'écran. J'ai dit Maquelle, Maquelle, Maquelle. Mon gabat, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Maquelle, Maquelle, Maquelle. J'ai dit Maquelle, Maquelle, Maquelle. Non, mon gabat, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Maquelle, Maquelle. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Et continuez, faites-nous monter sur iTunes, on veut la première place. Maquillage, enlève un peu tout ton maquillage. Ok, Fred, montre-nous ton vrai visage. Maquillé, un, deux, trois, frères. Maquillé, un, deux, trois, maquillé. Oui. Ça chante. Je vois les hommes taper un sprint, mais c'est pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Pour la vérité. Il y a que ton miroir qui te reconnaît, Musken. Ton visage est aussi beau que celui de Mr. Bean. Maquelle. 1, 2, 3, abracadabra et merci le coup de touring. Ce n'est pas ta faute que tu vois la télé te pousse à toujours vouloir être parfait. Réagis, prends confiance en toi car tu nous fais peine. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, maquillé. Celui dont tu n'es pas fier. Maquillé, bah ouais. Maquillé, on te connaît. Maquillé. Ok, Fred. Ok. 1, 2, 3, et maquillé. Hey, 1, 2, 3, ma kéré. Oui, 1, 2, 3, ma kéré. Plus fort, 1, 2, 3, Makele. T'es le meilleur. Voilà, vous avez la version Skyrock. Voilà. La version Skyrock déjà disponible sur iTunes. Si vous avez besoin de moi pour un prochain morceau, n'hésitez pas. T'inquiète, je suis pas très cher en feat. Le remix de Gilles Sekali feat Fred. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'il y aura un nouveau volume des Chroniques. Les Chroniques Watibé. Bah écoute, il y a un projet Watibé qui arrive. Ce sera pas les Chroniques. Ce sera pas les Chroniques. Ce sera un album Watibé. D'ailleurs, cette semaine, on aura l'occasion d'écouter le premier extrait de ce projet Watibé, de cet album Watibé. Bon, ce sera pas comme les Chroniques, parce que les Chroniques, c'est une compilation. Là, c'est vraiment un album Watibé. Donc, le premier extrait arrivera cette semaine. Je sais plus c'est quel jour exactement, mais je peux vous que dire d'exclus, que c'est un son que d'exclus. De mon gars sûr, Abou Dabeng, en featuring avec Black M. Et le son s'appelle Adios. Bleu. Très bien. Je peux vous dire que le son arrive jeudi et le clip aussi il arrive jeudi, tout arrive jeudi là. Et bah loupez pas cette semaine, entre 20 et 21 et avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli, plus 100 chèques cadeaux de 50€. Skyrock avec Ophélie de Rio Cro, c'est bien ça Ophélie? Oui c'est ça. Et bah je te présente un peu l'équipe du Watibé qui est là avec nous tous les soirs. Ça va la sauce? Salut. Oui ça va, et vous? Ça va, en pleine forme. Calme. Tu es prête à faire tourner la roulette? Oui. Eh ben on y va, je la lance, tu dis stop quand tu veux. Et pour toi les albums de Nekfeu, de Big Flo, Oli, 50€ en chèque cadeau. La totale. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben c'est la totale. Album de Big Flo, Oli, l'album de Nekfeu, il est pour toi et 50€ en chèque cadeau aussi. C'est pour toi. Merci. Lourd. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Une dédicace à mon chéri que j'aime fort et à mes potes, Tony et Caroline. Et voilà. Ah bah ça roule. Passe une bonne soirée. Bisous, Ophélie. Bonne soirée. Merci. Ciao. Merci à vous tous. On rappelle donc qu'il y a Shin Sekai, le morceau Ma Jolie qu'on a pu entendre à l'instant est arrivé. Le clip est dispo. Exactement. Le morceau aussi, on peut l'acheter tout de suite. Allez cliquer et l'avoir. Allez cliquer sur iTunes, le lien est disponible sur partout, sur tous les Twitter, les Instagram, sur le Facebook de Shin Sekai, vous pouvez aller trouver le lien iTunes, le clip est disponible depuis maintenant 50 minutes. Et voilà, continuez de nous envoyer voir vos vidéos. Voir un peu plus. Voir un peu plus. 27-28 secondes. Continuez de nous envoyer vos vidéos. On va continuer de reposter. On est là pour faire un maximum de boucan. Et courage à Soway. Je vois des messages en pleine révision du bac notamment. Donc courage à vous tous. Courage à tous ceux qui passent le bac. Si ça révise. Si ça révise sérieusement. Ouais. Voilà, écoutez Michael, oui, pour se détendre, ça c'est fait pour se Dry, détendre. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Ouais. Dry, t'es le meilleur. En fait, merci, t'as aimé pas autant que toi. Non, t'es le meilleur. Ah si, t'es le meilleur, Non, c'est gentil, mais. Si, vous êtes le meilleur d'entre vous. Non, t'as le meilleur. Merci. Ah, y a pas de problème. En fait, je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à la fille d'une amie. Qui s'appelle Elisa, elle habite à Montpellier. Joyeux anniversaire à toi, Elisa. Joyeux anniversaire, Elisa. Joyeux anniversaire à toi. Il y a le Loug qui se joint à moi, bien sûr. Il est derrière, il le pense très fort. Mm-hmm. Et gros bisous à vous tous à Montpellier, à mes gars du 9-4, yeah. Du 9-5, du 9-1, du 9-2, du 9-3, du 7-5. Ceux qui sont enfermés, ils se reconnaîtront au calme. Merci en tout cas, Drake, d'être passé. Merci à Dr. Belize d'être passé. Il reviendra aussi dans la semaine. Bah, moi, j'attends ton morceau. De Vendetta. Hein. Gengifi à la fin. Vendetta, et puis il y a ton morceau aussi qui arrive. Ouais, il y a un Force aussi qui arrive, mais j'attends. Aussi Ah non, Vendetta c'est vendredi. C'est le morceau s'appelle Tarléo. C'est du très lourd. Même le projet s'annonce très lourd. La baffe d'ours comme on l'appelle JR. Avec JR, avec Doumams aussi. Ouais. Bah, merci à vous en tout cas pour cette première soirée. Merci à Crime, au Watibé DJ qui était là, toute l'équipe. Momo, merci pour ces images magnifiques qu'on a pu voir sur le skyrock.fm. C'est du lourd. Hein. Et on va retrouver Diffoul et toute l'équipe maintenant. Je pense que tout le monde est là. Et oui, nous sommes là. Et oui, Fredo. Oh, ma belle. Diffoul, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait castrer ou quoi? Non, castrer, c'est plus haut, Marie. Diffoul, est-ce que t'as entendu ma jolie? Est-ce que t'as entendu le son? Oui, nous on a dansé. Vous avez dansé? Ouais. Vous avez pas fait la vidéo, le concept. Qu'est-ce qui se passe ici à Skyrock? Boycotter, c'est quoi le Alors tu veux qu'on fasse un concept vidéo, hein. Explique le concept vidéo pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'auraient pas compris. En fait c'est simple, je veux que tout le monde prenne le refrain, le son est déjà disponible, tu peux aller le chercher. Ma jolie, il coûte 1,29€ et je pense que tu gagnes assez bien ta vie pour pouvoir te procurer détrompe-toi, ce... pour pouvoir te procurer ce single à 1,29€. Et en fait le but du jeu c'est juste de nous montrer la bonne humeur, la joie et la bonne humeur sur le refrain. Vous faites ce que vous voulez, vous dansez, vous faites des saltos, vous faites ce que vous voulez, mais juste montrez-nous de la bonne humeur sur le refrain et envoyez-le sur Instagram. C'est tout ce bon, qu'on la demande. Prochaine fois on se filme alors. Il y a pas de problème. Je vais faire un salto à Marie, vous n'avez pas déçu le voyage. Tiens. Non mais je vais me casser la tête. Tu vas regretter, tu vas regretter ce que tu as demandé là ce soir. Bah, merci à vous, on vous retrouve demain à partir de 20h, 21h. Le Watibé avec Skyrock et avec Planète Rap cette bien semaine. Sûr. Ouais. Et là, attention. Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est Radio Libre, Fredo. Eh bah oui, c'est le coup d'envoi. Et c'est parti au 01 53 40 30 20. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler. Et il y a Joule qui arrive. Joule. Ouh, tu nous fait un, je tourne en rond. Tu nous as fait un beau tournage en rond, toi. Joule, pour démarrer, 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Le 41 759, l'appli Skyrock pour nous laisser des messages. Et toute l'équipe qui arrive dans un instant sur Sky. Ouais. Demain, Fredo, 20h, on sera là. Et là, jusqu'à minuit. Yes. C'est parti. C'est parti, coup d'envoi. Coup d'envoi. Yes. Allez, go. Joule, qu'on écoute dans une minute, là, deux minutes. A tout de suite, tout le monde. Ciao, ciao. Ils les appellent dans toute la France.